Alors, on part dans 3, 2. Salut Zachro, c'est le Big Ben. Et JP. Faut s'habituer, hein, veux pas, on est pas. On en fait, c'est notre troisième podcast qu'on fait. Ouais, c'est très quand ça nous tente, en fait. C'est ça, quand on a quelques minutes de libre, chacun le fait. Et non, c'est ça, on a décidé de faire un podcast ce soir et voir comment ça s'est passé les derniers mois. Ça fait quasiment un mois et demi qu'on n'a pas fait de podcast, JP et moi. Faisait un petit bout. Est-ce qu'il y a une de toi, là? Ben, ça a l'air que ça a l'air que j'ai pogné un événement dans mes bras, là. Ça s'appelle le Geek Fest. Et oui. que j'ai assisté à ton activité de financement, pas de financement, mais c'était... Ouais, financement dash lancement, là. Ouais, j'ai assisté à ça, c'était vraiment cool, comment vous l'avez organisé, c'était nice, il y avait des gros noms de la communauté geek de Montréal, c'était vraiment cool. Ouais. Ben, c'est sûr que quand t'as tes gros noms dans ton CA, ça l'aide, tu sais. Gros nom. Il y avait pas mal de monde collé sur Frank the Tank, en tout cas. So... Ah, ben, il y a sa gang de groupies, tu sais. Non, j'ai pas vu de femme, en tout cas. Des groupies femmes de son bord. Pas sûr, hein, s'il t'entend. Je m'étonnerais qu'il nous écoute, de toute façon. Oh, écoute, ça peut s'arranger, ça. Bon. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, il y a eu le Geek Fest qui est reparti de plus belle. Donc, avant que tout le monde se mette à me demander c'est où, c'est quand, ça coûte combien. Ce que je peux dire présentement, c'est printemps 2013. Oh, ça va être différent. La dernière édition qui est en janvier. C'est en mars, en fait, la dernière édition. Ah, moi, je t'assure, je suis en janvier. Oh. Non, non, c'est Jeremy qui est en janvier. Ah, ok. Excuse-moi. Non, c'est ça. On va essayer de rester dans le même time frame, mais on va essayer de se trouver un meilleur endroit. Mieux que l'Université de Montréal. L'UQAM. L'UQAM, en fait, c'est le cœur des sciences. Le fait que c'était dans deux buildings, apparemment, ça a pas été... ça a causé quelques problèmes, fait qu'on va essayer de trouver un meilleur endroit, plus approprié. J'espère que ça a causé des problèmes, surtout pas avec ton maquillage. Ah, c'était pas sûr, c'est... Quand on est allé, il pleuvait, puis quand il fallait que tu traverses les deux bords, il fallait que tu faisais mouiller. C'est pas si pire pour moi, c'est plus les madames dans les grosses robes de Princess Peach qui avaient des problèmes. Ah. ben, j'espère. Moi, la seule recommandation que j'avais faite lorsque j'ai fait la critique du Geek Fest, c'était que j'espère qu'il va y avoir une place de bouffe la prochaine fois. Ce qui est très probable. C'est pas impossible, on va juste dire ça comme ça. On va croiser les doigts. Une petite cantine, ça serait pas si pire, juste ça. Parce que j'ai passé toute la journée à avoir faim. Ouais, non, c'est ça. C'était pas Wessel le plus, puis c'était pas vraiment dans un endroit où il y avait plein de bouffe non plus. Fait que. Il y avait comme un Subway en face du building, mais c'était pas mal ça, sinon il y avait le Benelux puis la bière. Ouais, il y avait pas grand chose finalement. Mais bon, on va voir, en tout cas les accros vont supporter pour l'édition prochaine, ça c'est sûr. Mais entre-temps, on a quand même un podcast à faire. Ouais. Et on va s'amuser un peu avec les derniers sujets qui sont arrivés de nos bords. Tout d'abord, toi, ta vie a été prise par deux choses. Le Geek Fest... Et Mass Effect 3. Oui, bon, Mass Effect 3, ça a été un périple, assez ardu, parce que ça m'a pris quoi, une semaine et demie de passer. C'est parce qu'au début, j'avais pas beaucoup de temps, puis quand j'ai commencé à m'y mettre, ben c'est ça, il y a toute la controverse autour qui a comme gâché un peu mon plaisir à propos de la fin, parce que j'ai comme... C'est dur de pas passer autour de pas contourner le sujet. Ah, je suis en train de mélanger mes mots. C'est dur de pas éviter le sujet. Je comprends certains des critiques par rapport à ça. Surtout celles qui disent que ça ignore complètement ce que le joueur a fait comme décision au niveau de l'univers, autant au niveau personnel du personnage. Mais en même temps, moi, c'est à cause que j'ai vu tellement science-fiction un peu plus what the fuck Puis, je suis comme rendu habitué à voir ce genre de fin-là. Moi, il y a dans les plus gros. Dans les plus gros détracteurs, j'ai l'impression qu'il y en a une couple qui sont pas contents parce qu'il n'y a pas une fin happy, happy, joy, joy, parce que tout le monde survit. Ouais. Je compte, tu sais. Ou encore qui a besoin d'un petit peu plus de closure, mais en même temps. Moi, je suis habitué à voir des films qui finissent toujours un peu en queue de poisson. Regarde, si tu regardes Inception, ouais. Ça finit, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe après, mais ça finit de même. Tu le sais pas. Tu le sais qu'il n'y aura pas de suite. C'est pas un film qui va avoir des suites vraiment. Non, vraiment. Parce que s'il y a une suite, c'est sûr que c'est pas le réalisateur qui va le faire. C'est ça. Si on regarde, je remonte plus loin parce que moi, c'est vraiment mon genre de film, mais. Je compare souvent ça à deux affaires à cette fin-là. 2001, c'est de l'espace. Ouais. Et Star Trek The Motion Picture, le premier ouais. film Star Trek. Lui avait une fin un peu plus philosophique, mais qui était plus positive. Ouais. Tandis que 2001, c'était vraiment plus what the fuck total. c'est genre de fin où ce que. T'es laissé à ton parole, puis c'est ton imagination qui fasse le reste. C'est comme je dis, moi je suis comme pogné entre les deux, ouais. Mais moi, tu sais, j'ai lu énormément sur le sujet, et je suis d'accord sur une chose, c'est que tout ce que je veux, c'est que BioWare garde son intégrité artistique, c'est que je veux pas, ce que j'aimerais pas, c'est qu'il... change la fin. C'est ça, qui change la fin totalement, pour juste faire plaisir au monde. Ça me fait penser justement à un article qui est. Ben, un blog post qui a été fait par Neil Gaiman en 2009. Qui, en gros, c'était un fan qui s'est inscrit à la mailing list de George R. Martin, l'auteur de Games of Thrones. Et là, le bonhomme demandait à Neil Gaiman, est-ce que un lecteur a le droit de. Pas de chialer, mais de. D'avoir des attentes ou de critiquer le fait que ça prenait du temps avant de sortir le livre. Mm-hmm. Parce qu'on le sait tous, parce que George R. Martin, il est reconnu pour prendre son temps pour écrire. Ouais. Je sais pour un fait qu'à un moment donné, il avait fini d'écrire un roman complet, il y avait une date de sortie, et il a fait comme « Non, fuck it, j'aime pas ce livre-là. » Il a délité ça, il recommence au début. C'est le genre à George R. Martin. Fait que là, le gars se demande est-ce que j'ai le droit d'insister pour qu'il sorte ça au plus sacré? Neil Gaiman a répondu en disant, principalement, une des choses qu'il a vraiment retenu, c'est vraiment « George R. Martin is not your bitch. » Et moi, je le vois avec la même philosophie, c'est-à-dire « BioWare is not your bitch. » C'est-à-dire, ils ont fait ça, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde, « deal with it ». Change de jeu si t'es pas content. Regarde, en même temps, puis il y a une autre affaire qui est facile à dire, mais c'est pas. It's not the ending that matters, it's the journey. Ouais. Moi, c'est le même que je vois ça, puis. En tout cas, c'est mon avis. Hein, t'es d'accord avec moi, c'est sûr que ça se finit pas là. Il va y avoir des DLC qui vont sortir prochainement. Oui, ben c'est EA, hein. Faut c'est ça. Ils veulent monétiser le plus possible le jeu. Alors, probablement que la prochaine fin, elle va être en DLC, et j'en suis certain. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ça va être une... Encore, c'est vraiment... Je redis ce que j'ai vu, mais... Il y a une possibilité qui m'inquiète vraiment, c'est que le fameux DLC qui viendrait... Il viendrait prendre le monde tellement pour des... Tu sais... Des caves. Autant que des caves. Tu sais, en expliquant détail par détail ce qui aurait peut-être pu manquer... Puis, tu sais, un peu genre, si tu te faisais expliquer Inception minute par minute par le réalisateur. Puis là, c'est comme, ta gueule, là. Tu sais, c'est un peu ça que j'ai un peu comme peur, comme feeling. Ah, mais... Je te comprends totalement. Mais ça, c'est aussi parce que le monde, ils sont peu habitués à se faire prendre par surprise comme ça. Ils sont tellement habitués à se faire avoir des fins heureuses. Ben, pas heureuses, mais... Des fins hollywoodiennes. C'est ça. Tout ça finit bien, puis ça peut laisser présager qu'il va y avoir une suite encore. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Non, excuse-moi, ça me fait remonter le poil des tétines, cette histoire-là. Je veux pas y voir. Je veux pas. Et je pense que les accros ne veulent pas le voir non plus. Ah non, mais surtout, en tout cas... poil de Klingon, vous entendez? Ça doit être long. Ah, en tout cas, non, c'est ça. C'est... Selon moi, le poil d'un Klingon, c'est comme le poil d'un nain. C'est quasiment accroché à l'os, hein? Ça doit être assez long. Merci. ça, c'est une inside en passant, les accros. Dans mes games de donjon, il y a tout le temps. Il y a deux jokes qui arrivent tout le temps. Une, c'est celle que les hobbits, c'est de la other white meat. Et la deuxième, quand quoi que le poil d'un nain, ben, ça peut pas être brûlable, ça peut pas être coupable, ça, et c'est attaché au squelette. Alors. Ça fait quasiment du sens. Ça fait quasiment du sens, oui, parce qu'un nain superbe, c'est assez laid. Ouais. Oh my god. Je suis quelqu'un qui est un petit peu plus fanatique de la fantasy plutôt que de la science-fiction, mais j'ai réussi quand même à apprécier le côté science-fiction du finalement de. Oh. Des deux côtés, et je suis capable quand même d'apporter certaines idées des fois là-dessus. Mais c'est ça, ben parlant justement de... Ça me fait penser, je vais faire une petite plug pour un jeu qui va s'en venir éventuellement. Ouais. Otherland, qui est... c'est un jeu qui se passe dans une simulation, un peu un style Matrix, mais ça va rejoindre science-fiction et fantasy en même temps, c'est pas comme les deux univers mixés. Oh! C'est basé sur les romans de Tad Williams, que j'ai eu l'honneur de rencontrer une couple d'années quand j'étais à la tête de notre convention qui s'appelle Concept. Ouais. Et cet auteur-là est vraiment génial. Je suis, c'est vraiment impressionnant de voir. C'est vraiment des paysages. Tu sais, t'as des grosses pièces d'échecs qui flottent dans les airs, puis t'as mm-hmm. une espèce comment dire, de scenery un peu médiéval fantastique au okay. sol. Puis c'est comme une espèce de grosse simulation d'échecs. En ce cas, c'est vraiment... J'ai pas le temps de regarder vraiment, mais ce que j'ai pu voir des images, c'est t'as la scène médiévale fantastique, autant que t'as une scène super techno-futuriste d'un autre bord. Fait, vraiment, le fait que le jeu se passe lui-même, que l'univers du jeu se passe dans une simulation informatique ou holographique, je sais pas trop, ça a l'air vraiment impressionnant. Et je sais que ça vient d'être un bon auteur, donc... D'accord. C'est à surveiller. Alors... On va regarder ça attentivement. J'ai bien hâte aussi de. Tu m'en parleras lorsque ça va sortir cet univers. C'est rare, ça c'est va rare être... que je suis vraiment excité pour un MMO. Là. Même Star Trek Online, je suis pas vraiment accroché. Non. Star Wars Old Republic, ça m'a pas été me chercher non plus, malgré le fait que j'entends des bonnes choses. J'ai même pas pu jouer. Le monde connaisse mon histoire. Mais je vais répéter encore. Je suis un des seuls qui peut pas jouer à Star Wars The Old Republic. Et Marilyn est très très contente parce qu'elle peut jouer. À cause que mon jeu, quand je le mets, ben j'ai des beaux damiers qui ressemblent à un damier d'échecs, là, tout le temps sur mon personnage. Là. Fait que c'est en train de me dire qu'on croit que ma carte graphique n'est pas compatible. C'est vraiment le fun. Le seul autre jeu qui me fait ça, c'est Neverwinter Night 2. Alors, wow. Ouais. Youhou pour BioWare, on dirait, pour toi. Ouais, c'est mettons, j'ai été déçu. Quoi que non, tu me disais l'autre fois, c'était Obsidian qui faisait le 2? Obsidian qui fait Neverwinter Night 2. Ouais, quand même, ça... Ben, probablement que ça doit être une affaire, je sais pas trop quoi, mais ma carte en marche encore, je suis capable de jouer à la plupart des jeux que j'ai, fait que... Bon. Probablement, prochaine fois. Alors, on va embarquer des nouvelles, JP, pendant qu'on est là. Ouais. Bon, mais tu connais le fameux site internet Kickstarter? Oui. Comment qu'est-ce que tu penses du fameux Wasteland 2 qui en ce moment est rendu proche du 2 millions de dollars de financement? Ben moi je me dis ça m'encourage un peu parce que je commençais à m'inquiéter que le niveau des jeux vidéo commençait à s'en aller un peu nulle part. Ouais. Ça me fait un peu croire en l'esprit créatif qu'il y avait aux fins des années 80, début des années 90. L'esprit créatif qu'il y avait avec des jeux qui c'était pas qui étaient plus que juste comme Call of Duty ou ben c'est un peu différent aujourd'hui. Des grosses franchises finalement. C'est ça, t'sais. C'est un peu comme à l'époque, tu avais des petits jeux d'arcade niaiseux, mais t'avais des jeux qu'il fallait que tu utilises ta tête là. C'était des jeux d'aventure, surtout je pense à King Quest, Space Quest, tout ce que Day of the Tentacle. Mm-hmm. Ça on l'a plus parce que l'industrie du jeu vidéo prend tellement les joueurs pour des enfants qui ont peur d'essayer des nouvelles affaires. Puis c'est pour ça que je suis content que Kickstarter connaisse un succès. C'est le fun de voir les, projet qu'il y a là-dessus, là. Il y a certains petits ouais. bijoux. Puis c'est pas juste en jeu vidéo, hein. C'est vraiment sur n'importe quoi. Ben moi, j'ai financé un petit projet qui s'appelle Morning Head. OK. C'est pas niaiseux, mais c'est une espèce de cap de douche que tu... une espèce de petite laine dedans, tu mets de l'eau. C'est comme tu sais, quand tu te lèves le matin, t'as les cheveux, je sais pas, toi, je me rappelle plus si t'as des cheveux ou pas, là, en tout cas. Tu sais, quand ta touffe est toute dépeignée le ouais. matin, ouais. fait que tu mets un peu d'eau là-dedans, tu mets ça, tu frottes ta tête, fait que là, tes cheveux sont juste assez mouillés, tu peux les peigner comme du monde, et voilà, t'es prêt en moins de 15 secondes pour aller à un meeting, whatever. Fait que moi, je garde ça dans mon tiroir de job, au cas où. Ça semble, ok. Ils l'ont font-tu en modèle barbe aussi, cette casse de bain-là? Ouais, je pense que ça peut aisément fitter dans une face. Là. C'est vraiment un casse de bain. C'est vraiment le petit tissu en dedans qui absorbe l'eau. Puis tu frottes avec. Là. Fait que c'est vraiment génial. Puis ça coûte 15$. Il m'en a donné deux. Fait que c'est vraiment. Ah ben. C'est pas je trouve ça cute. Ben, mettons qu'il y a des projets assez bizarres parce que je suis en ce moment sur le propre. Je suis sur le site de Kickstarter, puis je vois tellement des affaires bizarres, comme, je sais pas si t'es en front page, si tu le vois en ce moment, le film sur Kenny G. Kenny G, Epic Movie Adventure. C'est comme le plus gros what the fuck que tu veux investir d'argent. Écoute, l'affaire, c'est que souvent, il y a des fanbases que tu pourrais pas t'imaginer ce qui existe. Je sais, les petites madames doivent adorer Kenny G, mais on s'entend-tu que puis Kenny G, c'est... Mais tu vois, il est à 12% puis il reste 13 jours. Ça regarde mal. Ça regarde très mal. Mais bon, je vous conseille d'aller voir le site. Sérieusement, là, c'est drôle. Les petits projets, mais il y a d'autres projets qui sont vraiment cool, comme Wasteland 2. Ouais. Là, il reste 13 jours à être Wasteland 2. Puis j'hésite à lui mettre la copie de 50$. Ouais. Qui donne la version digitale, la version en boîte, plus des concept art, des affaires de même. J'ai vraiment envie de l'essayer. J'ai pas essayé le premier. Faudrait que je l'essaye. Mais c'est le grand-père de Fallout, fait que ouais, c'est ça. Mais moi, une petite affaire qui me gosse un peu, c'est que en fait, c'est souvent parce que nous en tant que consommateurs, on n'a pas vraiment cette philosophie-là, mais tu sais, d'investissement, c'est-à-dire que tu vas donner de l'argent, surtout au niveau du jeu vidéo, tu vas le revoir ton jeu ou ta mais tu vas le revoir d'ici 2-3 ans, tu sais, quand le projet va finir. Faut rester l'esprit ouvert. C'est ça. Faut vraiment se dire j'investis. Faut pas se dire j'achète de quoi. Je pense que c'est peut-être juste le ce qu'il faut peut-être que le monde comprenne, c'est que oui, tu vas avoir quelque chose en retour. Un moment donné. Ouais. Un moment donné. C'est ça. Puis t'espères que c'est pas genre du monde comme Gabe Newell qui vont prendre 10 ans George Broussard de 3D Realms qui vont têter, attendre, puis finalement ça va être un... Duke Nukem Forever 2, là. Ouais, genre. Quoique maintenant, Duke Nukem est dans des meilleures mains, dans les mains de Randy Pitchford. Effectivement, ouais. Ça, je t'ai rencontré l'histoire à Mané, j'ai pu le rencontrer, très bon. Oui, très tu me l'as conté. Je peux me péter bretelle là, rapidement. Là, ouais, mais je pense que c'est comme la semaine après que tu l'as rencontré. On était allé au Funzo, puis tu nous jasais ça sur un coin de rue avec trois Français, puis ton chum Olivier. Mais juste pour nos auditeurs ici, c'est que le IGDA, l'International Game Developers Association, avait invité Randy Pitchford à donner une conférence. Et le ton était assez candide, était vraiment. Comment dire. Il a demandé s'il y avait des journalistes dans la salle, puis il leur a dit. Je ne parle pas de ça. Et non, c'est vraiment très intéressant. Si vous allez sur le site de IGDA Montréal, toute la conférence est là, dans son intégralité. Okay. Fait que non, ça vaut la peine d'aller voir. Ah, oh, ben, c'est cool, ça. Fait que non, c'est ça. Sérieusement. On va attendre le projet Kickstarter avec impatience pour ce qui est de Wasteland 2 dans mon cas. Ouais. Puis je vous conseille fortement d'aller voir les autres projets. Des fois, ça peut être des bons projets ou pas. La seule chose, par exemple, je sais que au podcast de Radio Talbot, il exprimait un petit peu une crainte par rapport à des financements louche et douteux. Louche, là, c'est ça. Pour reprendre Frank, pas sympathique. Oui, c'est ça. parce que toi, tu as le droit de dire sympathique, mais si tu le continues trop, je vais voir que je te lance le défi également. Là. Mais, non, je suis un peu d'accord. Faut, c'est un peu comme dans n'importe quoi. Faut que tu regardes où c'est que tu lances ton argent. Là. Surtout quand tu lances un genre 2500 moins 18 piastres. Faut vraiment que tu fasses attention. Mais... Moi, je vous conseille quelque chose. Vérifiez les fautes d'orthographe. Ouais. Veux pas, c'est un très bon signe. Ouais. Mais généralement, Kickstarter font quand même un certain filtrage avant. Tu sais, c'est que tu envoies ta submission, ils l'analysent, puis ensuite ils la postent. Donc, il y a déjà une bonne partie de filtrage qui est faite du bord de Kickstarter, mais c'est sûr qu'ils peuvent pas toutes. Ils peuvent pas toutes tout voir. OK. Bon, mais sinon, on va partir avec d'autres nouvelles. Là-dessus, t'as vu les fameuses images de Star Wars Kinect? Ah, c'est beau. Ça me rend fier d'être un fan de Star Trek, vraiment. On peut-tu dire que c'est vraiment laid? Sérieux, là? Tu vois, moi, ça. Je vais entrer dans la philosophie du douteux. C'est laid, mais. C'est une représentation de ce qu'est le gaming de nos jours. Un peu, tu sais. T'essayes d'aller chercher ce qui pogne avec quelque chose que t'as. Ok, t'as une Kinect. Tu sais, c'est quoi qui marche présentement, c'est Kinect, c'est jeu de danse. Oui. Puis là, t'as une franchise Star Wars. Fait que là, tu peux comme pas dire j'ai deux grosses affaires qui marchent, puis je peux pas les mettre ensemble. En quelque part, je dirais pas qu'il était obligé, mais ça faisait un. du sens au niveau business de mettre ça là-dedans parce que tu vas pouvoir aller chercher un petit peu plus de monde autrement. On s'entend-tu que quand même George Lucas a donné son approbation là-dessus, là? Écoute... Moi, je suis pas mal sûr qu'il a mis son approbation dessus. Écoute, je veux dire, à ce temps, le monde, ça, c'est pas comme si c'était caché, puis le monde... en achetant le jeu, en pensant qu'elle allait être super bon, d'ailleurs, d'avance, je pense que le monde savait un peu à quoi s'attendre. C'est juste peut-être pas aussi pire que ça, tu sais. Ouais. Déjà, tu parles d'un jeu de Kinect Star Wars, que tu sais qu'il n'y a pas vraiment une ligne d'histoire. C'est vraiment juste des petits jeux. Tu peux pas t'attendre. Tu peux pas avoir des attentes énormes, déjà, au départ. Je pense qu'ils ont juste rajouté le coup. T'sais, ils ont juste été chercher ce qu'ils pognaient au niveau Kinect, puis ils ont mis ça là-dedans, puis... Je vous conseille fortement d'aller voir les images, surtout ce Kotaku. Ils ont fait des gifs animés. Ouais, des danses. Ça va vous éviter d'avoir la chanson de Han Solo dans la tête, comme j'ai présentement. C'est vraiment horrible. On la fera pas écouter aux accros pour être sûr de. Mais tu regarderas, il y a aussi une version de YMCA. Oh my god. C'est assez. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est. Comment dans le plancher de danse de Bespin, genre ce que. Ouais. T'as l'espèce de Death Star en glitter, disco ball qui lance des lasers, là, c'est vraiment... Mais tu te dis, écoute, Star Wars, ça date du début des années 80, fin années 70. Ouais. Je dirais que l'époque disco, je dirais... ça fait presque du sens, presque du sens. Oui, mais tu sais, je veux dire, tu regardes les images attentivement, là, surtout la danse de Han Solo, là, c'est avant qu'il se fasse poigner dans la carbonite. Il serait en train de danser avant d'être poigné de prisonnier. Ben, je pense que ça, c'est le genre de truc. Faut prendre ça sur un ton léger. Moi, j'ai quasiment le goût d'avoir le jeu juste pour le trip. Mais je vais pas mal l'acheter quand il va être 15$. Puis que, au pire, je l'emprunterai à quelqu'un parce que c'est tellement mauvais. Mais j'ai le goût de l'essayer pareil. Parce que. Oh juste my pour. God. Juste pour. Regarde, juste pour toi, là, je suis prêt à aller à le demander à Game Access ce jeu-là, là, puis te l'amener. Écoute, tu sais que j'ai une Kinect? Oui. Moi, j'en ai pas. Juste on pourrait tester, justement, avec un meilleur éclairage. Puis, non, moi j'ai le goût d'essayer. Mais en même temps, Frank avait pas. Frank, le temps, il avait passé un. Excuse-moi, Frank, on parle de toi ces temps-ci. C'est vraiment. Ah, oui, regarde, ça doit échauffer à l'oreille en ce moment, là. Il avait lâché un commentaire comme de quoi que c'était quasiment rendu comme les jeux de Star Trek au niveau des jeux de Star Wars parce que À l'époque, les jeux de Star Trek n'avaient pas une bonne réputation, c'était souvent fait à botch, puis c'était un peu n'importe quoi. Les jeux de Star Wars étaient quand même bien faits à l'époque, mais j'ai l'impression que la balance est en train de revenir. T'as viré de bord, surtout avec l'image. T'as vu les images du jeu de Star Trek qui va se situer entre les deux films, là. Oui, ça a l'air très Ça bien. va l'air très bien, un bon jeu d'action. Bon, on fait pas beaucoup d'exploration, mais ça va l'air bien. Non, ça a l'air vraiment d'un film fait pour la nouvelle franchise de films de Star Trek. Ouais. Fait que non. Moi, j'ai pas l'impression. Tu sais, c'est sûr que je me rends heureux parce que je suis pas mal certain que Star Trek ne se prêtera jamais à ce genre de cochonnerie-là. Ben, je te dirais qu'au moins il y a une fondation hein, qui gère les droits de Roddenberry. Ouais, mais il y a aussi Paramount aussi. C'est Puis ça. Tandis que Star Wars, on s'entend-tu, Lucas, il est comme plus ben là. Non, c'est ça. Mais en tout cas, comme je te dis, c'est juste, moi, je suis quand même content que ça me rend heureux de. Ah, d'être heureux, d'être content, c'est ça? Ouais, pas mal, ouais, c'est ça. On était rendu aux nouvelles par rapport au. Je sais pas si tu as vu les excuse-moi, hey, j'ai perdu ma nouvelle, Colin. Hey, on est en direct en même temps. Non, mais par rapport. Voyons, aussi bon. Tu veux que je t'aide? Moi, j'ai ouais, vas-y. Pendant ce temps-là, je vais essayer de le retrouver. Parlant de vieux jeux, si vous n'êtes pas encore au courant, mon type de jeu préféré, c'est vraiment les Space Combat Simulator. Ouais. Malheureusement, quelque chose qui est très rare de nos jours. La série légendaire qui s'appelle Wing Commander est maintenant un petit peu plus complète, dans le sens que Good Old Games a ressorti le jeu. Pas le jeu, mais il y avait déjà Wing Commander 1, 2, 3 et Privateer de sortie sur leur site. Là, ils viennent de sortir Wing Commander 4, qui est à l'avis de plusieurs. Malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de jouer quand j'étais plus jeune. Ça a été une bonne occasion là. Qui était considéré comme étant un des meilleurs opus du jeu. Comme Good Old Games le fait si bien, c'est rempli d'extras. T'as le script du jeu, t'as ce qu'il voulait faire avec le jeu avant d'écrire le scénario. T'as énormément de goodies qui viennent avec, c'est vraiment assez fort. Ils ont-tu rajouté le fameux film avec Freddie Prinze Jr.? Non, je pense pas que ça rentre. Mais ils ont mis les films en qualité DVD parce que quand le jeu était sorti, c'était une qualité un petit peu plus moindre vu que c'était sur des CD. Ouais. Plus tard, ils avaient ressorti le jeu en DVD. Mm-hmm. Et là, Good Old Games a réintégré vraiment la full qualité là, des vidéos. Parce que c'est un peu ce qui faisait le jeu. C'était pas autant le jeu en tant que tel, c'était vraiment le fait que tu avais Luke Skywalker, tu avais Biff Tannen, tu avais. Comment il s'appelle? Malcolm McDowell. Malcolm McDowell. Tu sais, t'as un énorme array d'acteurs très compétents qui étaient là-dedans. C'est ce qui manque encore un peu, mais de nos jours, on a des voix, mais tu sais, à l'époque, on avait vraiment des acteurs. C'était vraiment des films, là. Oui, sérieux, puis c'est quelque chose qui manque. Moi, je te dirais, on dirait le côté, je dirais c'est quasiment cheap, mais en même temps, ça donnait son charme à ces jeux-là. Je me souviens encore d'avoir joué à des jeux comme Rebel Assault 2. Ils s'étaient filmés, l'acting était très cheapo, mais c'était bien. C'était correct, là. C'est dans la même lignée. Il y a peut-être une semaine, il y a Wing Commander Saga qui est sorti. Ça c'est un mod de Free Space 2. Free Space 2 qui est un autre des meilleurs space shooters de tous les temps. Le code source avait été ouvert alors que la compagnie était en train de fermer. Ils ont ouvert le code source. Là, la communauté sont toutes pitchées dessus. Fait qu'il y a à peu près 10 ans, il avait commencé le projet de Wing Commander Saga. C'est un des. Je pense que tu as peut-être pu le remarquer toi aussi. Il y a énormément de projets de même qui se parlent, des mods, des trucs de même. Ouais. Il y en a très peu qui arrivent à échéance, qui arrivent vraiment à. Totalement. Des fois, tu as des petits bouts, des démos, des premiers levels, mais t'as plus rien après. Mais eux autres, ils ont fait 55 missions, ils ont fait tous les modèles, ils ont fait. Eux autres, évidemment, il n'y avait pas de vidéo filmée. C'était. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est du pre-render, des personnages vraiment en CG. Ce qui est quand même. Ça donne quand même le même. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'ils ont gardé le même feeling que le jeu original. OK. C'est-à-dire. Le jeu, vraiment, ça fonctionne vraiment. Tu vas d'un waypoint à l'autre, au lieu de. Tu n'as pas vraiment de moteur jump, hyperdrive, whatever. OK. Fait qu'ils ont gardé. C'est vraiment exactement le même style de gameplay. C'est ce qui est vraiment. C'est vraiment très, très, très bien. Fait que. Allez le chercher, c'est gratuit. Cherchez juste Wing Commander Saga et allez vous chercher un bon joystick. mais est-ce que tu as réussi à finalement à trouver ton joystick que tu voulais il y a Ah un oui, bout? je me. Oh, oui, à Noël, mon père, en fait, j'avais demandé à mon père. Okay. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il finalement, il m'a donné l'argent, il m'a dit, t'iras te le chercher toi-même. Parce qu'il essayait de le commander, il n'était pas en stock. Fait que moi, j'ai réussi à le trouver. Fait que j'ai été chercher mon X52 de Cytec. Beau joystick à 250$. C'est pas donné, mais ça en vaut la peine pour ceux qui savent ce qu'ils font avec. Ouais, si, ben pour commencer, ça vaut peut-être pas la peine de payer 250$ pour un Non, c'est ça. joystick, là. T'en as des petits Cytec à 25$, mais lui, tu sais, t'as vraiment le joystick, t'as à peu près comme une dizaine de pitons juste autour du manche à balai. T'as une deuxième manette pour la manette des gaz, qui est encore là, plein de boutons, t'as un écran pour te dire. Ce qui est le fun, c'est que sur l'écran, quand tu passes le bouton, puis tout est bien programmé, ben, tu peux voir ce que le bouton fait. Fait que c'est vraiment un rêve, mais c'est juste que. Le cauchemar arrive quand il faut que tu programmes tout ça. Fait que ça. Parce que moi, ce qui arrive, c'est qu'il faut que. Mettons, j'arrive dans Free Space, ben, il n'y a pas grand-chose qui marche parce que justement, il faut que j'assigne mes boutons aux commandes. Puis, c'est de la job. Parce qu'il faut vraiment que tu dises, bon, OK, mettons, pour targeter, je vois où c'est que je vais mettre mon doigt, où c'est que c'est le plus efficace. Parce que. Il n'y a rien de préfait au niveau des keybinds pour les joysticks. Fait que, à part les axes, là, OK. c'est pas mal ça. OK. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, des derniers. Voyons, des April Fools, les premiers avril, là, finalement. Les jokes du 1er avril. Ah ben moi, j'ai surtout vu celle de Think Geek, Ouais. le 6 de Hoodie Technomancer, j'avais. J'aimerais bien l'avoir à un moment donné, c'est ça. Je sais que de temps en temps, ils vont sortir de leurs faux produits. Oh, Euh, oui. euh, il y avait celle-là, sinon l'espèce de poisson Miralagbar, j'avais bien aimé Ça, je l'ai ri en maudit. aussi. Sérieusement, là, je pense que c'était une idée parfaite là, comme bébelle à sortir. Oh, C'est sûr qu'ils vont le ça, sortir. Je suis sûr et certain qu'ils vont le sortir. c'est pas mal certain. Mais sinon, à part de ça, j'avais vu l'espèce de Saturday Morning Cartoon de Mass Effect. Ouais, moi Mais tout. ça j'avais reconnu tout de suite de qui c'est ça venait. C'était pas vraiment un April Fool pour moi, parce que ceux qui avaient vu Saturday Morning Watchmen, ben, ils ont vu que c'était fait par Harry Partridge, qui est très bon animateur. Fait que, non, ça, à part de ça, moi, ben, ça, comme il disait l'autre fois, ben, 1er avril, c'est arrivé un dimanche, fait que il a manqué une couple. Donnez-moi un petit instant, on a quelqu'un qui va se rajouter à notre podcast. Alors, c'est Miss Marilyn qui se joint à nous. Bonjour. Allô. Marie! Salut! Comment ça va? Ça va bien. Fatigué, mais ça va bien. Vous autres? Hey, moi, tout tu sais de mon bord, écoute. Ouais, mais JP, toi, comment ça va d'abord? Ben, un jour un peu fatigué, mais on se tient occupé, fait que non, ça va pas pire, ça va pas pire. Tant mieux. Alors, on était rendu dans nos nouvelles. Marie, tu vas pouvoir discuter avec nous des nouvelles finalement. Tu avais vu avec moi les fameux farces du 1er avril. Ouais. Lesquelles tu penses en premier qui t'ont frappé le plus, toi? Hey boy. Moi, je dirais c'est plus les poissons zombies. J'ai tellement trouvé ça drôle. Oui, le Sega. Je sais pas, est-ce que tu l'as vu, JP? Non. Tu sais, le jeu de pêche de Sega? Ouais. Mais imagine-toi que c'est des poissons zombies. Puis que tu les vois en train d'utiliser des 12, des flamethrowers. toutes les choses bizarres, c'est vraiment drôle, là. Faut que t'ailles le voir, pis le pire, c'est qu'il utilise genre du vrai monde, pis tu vois comme des animations de poissons super cheap, là. Ouais. Ah, c'est tellement drôle. Ah, ben, non, c'est vrai, ça me fait penser, il y en a un que j'avais vu, que j'avais aimé, et que je serais quasiment curieux de voir si ça pourrait exister pour de vrai, là. C'est le Google Tap. Oui. C'est le code Morse pour Android. C'est vraiment... Ça fait quasiment tellement de sens que ça en est quasiment une bonne idée. sinon, à part ça, j'ai vu aussi le Assassin's Creed Kinect. Ah oui. Où tu vois la fille c'est drôle. Péter la gueule solide, là. La fille qui fait un move, mais qui se ramasse dans la table de la cuisine. Mais pas la table de la cuisine, la table du salon, là. Celle-là, j'avoue, il m'a pris une couple de secondes avant de me rendre compte que c'était fake. Surtout, c'est le gars qui fait comme le backflip, là. Oui, moi, je pense que c'est pas mal. Tu sais, c'est pas mal rendu là où c'est que ça, puis quand que la fille, justement, se rentre la tête dans la table, puis là, tu te dis, ouais, ok, ça fait pas de sens, mais au départ, tu te dis, hein, attends, ça pourrait quasiment. Puis là, souvent, tu dis, ah non, c'est un poisson d'avril. C'est vraiment un poisson d'avril. Sinon, je trouvais que Blizzard était tranquille cette année. Pas de gros coups. D'habitude, nous autres, ils me surprennent toujours, ils font toujours des bons coups. Ouais. T'es déçu cette année, là. Il y avait de quoi l'année passée sur World of Warcraft. C'est assez drôle, je me rappelle plus c'est quoi. J'ai une annonce, genre une nouvelle extension, quelque chose de même. Là. Ah ouais, mais moi je me souviens dans les premiers temps, t'avais eu les. C'était comme Molten Core sur Atari 2600. Où t'avais vraiment comme un donjon, mais avec un petit point carré qui se promenait, là. Ou ben t'avais la classe légendaire du Bard, puis t'avais un clavier pour pouvoir jouer de la musique, là. C'était comme. Ça aurait été drôle, là. J'aurais tellement voulu faire ça, là. Mais bon, ça arrivera pas. Sinon, à part ça, hey, avez-vous vu les dernières nouvelles par rapport à ce que les nouvelles consoles nous proposent pour éviter le piratage puis les jeux usagés? Ouais, non, je trouve qu'ils commencent à pousser un peu loin pour ça. Là. Disons que ça me rend quasiment heureux de transitionner vers le PC tranquillement, pas vite. Là. J'avoue que surtout que moi, c'est celui de la connexion Internet permanente. Ouais. Qui m'agace le plus. Mais ça, ceux qui ont des PC puis qui avaient acheté Assassin's Creed 2, puis en fait, les jeux d'Assassin's Creed, ils savent c'est quoi, parce que même en jouant juste en single player, si la connexion Internet droppait, le jeu arrêtait. Ouais. À cause de DRM. Fait que ça s'en vient vraiment. En fait, ce qui est drôle, c'est que au niveau du PC, les DRM sont en train de tranquillement disparaître parce qu'ils se rendent compte que c'est pas efficace. Mm-hmm. Puis là, les consoles sont en train de prendre ça à reculons. Eux autres, ils voient pas grand chose parce qu'on dirait qu'ils ont des œillères devant des yeux. Là. Ouais. C'est vraiment chiant, sérieusement. Là. Moi, c'est parce que je pense surtout, moi, qui vais aller chez mes parents pour un Noël ou quoi que ce soit. Puis mes parents ont une connexion Internet tellement à chier. Je pourrais pas jouer à mes consoles. Là. Mais, tu sais, je pense que ce que je voulais, c'est que c'est si Sony, parce que c'est par rapport à Sony, ouais. Mais si Sony allait vraiment resserrer la vis aux jeux usagés, tu avais eBay Games aux États-Unis qui avait dit ben, on vendra pas votre console. Ouais. Puis, je sais pas à quel point ça pourrait faire mal à Sony. Parce que... La plupart des compagnies à Star qui vendent des consoles, ils vendent aussi du jeu usagé. Même aux États-Unis, je pense que les Walmart, ils vendent des jeux usagés à Star. Fait, ça, je sais que Walmart vont s'en foutre royalement des jeux usagés ou pas. Ouais. Fait qu'eux autres, ça les gênera pas de vendre des PS4. Mais c'est ça. Fait le fait est, si eBay Games arrête de vendre des PlayStation... Est-ce que ça va vraiment faire mal à Sony ou le monde va juste aller chez Walmart ou dans d'autres grandes surfaces? Mm-hmm. Ben, je sais pas si tu as vu, tu es allé dans un eBay Games dernièrement. Ouais. À Star, ils vendent des iPods, des iPhones puis des iPads. Tout ouais. Ça pour essayer de diversifier leur vente. Je sais pas si eux autres ils se préparent d'avance. Peut-être qu'ils donnent l'argent pour des vieux iPods, des vieux iPads ou des vieilles iPatentes. Là. C'est ça. Donc, peut-être, mais... Peut-être qu'ils se préparent pour ça. Il faudrait que... Ouais. Parce que ce qui arrive, c'est que le marché s'en est de plus en plus numérique aussi. Ouais. Ce qui est arrivé au CD est en tranquillement en train de t'es en train de, tranquillement d'arriver vers ce qui vers est le vers le jeu ludique, finalement, là. vers le jeu vidéo là. Mais ce qui est drôle, c'est que là, c'est totalement inversé. C'est ce qui arrive, c'est que là, l'industrie, elle va dans. Je dirais pas dans le bon sens parce que si c'était, tu sais, c'était des CD, on serait tout. Au niveau de la musique, si l'industrie du jeu vidéo serait l'industrie de la musique présentement, on serait tout heureux. Quasiment. À part pour peut-être les DRM, mais c'est plus de même que ça marche. Puis là, je me sens quasiment mal pour EB Games parce que au niveau des jeux vidéo, ben t'as encore besoin de pas mal de hardware puis de. Il te faut une bonne place, puis c'est plate d'aller magasiner dans un magasin grande surface pour genre faire là. Alors, je te comprends. Puis surtout que dans un magasin grande surface, on s'entend-tu? Ben, moi, si je vais chez Walmart, j'ai pas de service. Ouais. Si je veux un jeu, c'est parce que je le sais que je le veux depuis longtemps. C'est ça. Mais si je m'en vais chez eBay Games, je sais que j'ai au moins quelqu'un qui sur le plancher qui va pouvoir m'aider. C'est ça. En tout cas, moi, j'ai quelques inquiétudes par rapport à ça, mais en même temps, ben, je suis en train de me tourner vers le PC, puis au niveau du PC, c'est en train de s'ouvrir de plus en plus. Je pense que c'est en train tranquillement de se redémocratiser. Ce qui est vraiment intéressant, surtout avec Steam, puis GOG, puis les belles initiatives comme ça. Puis le Et fait. surtout que tu as des free to play qui s'en viennent, des C'est jeux free to ça. play qui s'en back. Moi, je pense à Marilyn qui passe du temps sur des jeux Facebook ces temps-ci. Je sais pas c'est quoi ton jeu que tu joues en ce moment là. Ah, j'attends, je pense que je l'ai perdu. Ouais. J'entends plus Marilyn. Ah, je pense qu'elle a accroché son piton. Non, je t'entends pas encore. Non plus. Non. Ah, attends, on va réessayer, on va faire un petit test rapide. Alors, je vais te rappeler, ok? Coupez au montage, coupez au Coupeau. montage. Non, on fait tout ça live. On fait tout ça live, là. Tente pas de faire du montage. J'aille ça faire du montage. Mais non, les accros, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de montage. Tout ça est réel. Et ça arrive. Alors, Marilyn. Alors, il faut que je la recherche parce que nous, en ce moment, on fait le podcast directement sur sur iPhone. Pas sur iPhone, sur Skype. Le fameux Skype. Alors, Marie, est-ce que tu es là? Non. Non, on l'a perdu, Marilyn. Je sais pas pourquoi. Alors, ben écoute, on va continuer. Ok, on va faire des tests pendant ce temps-là. Ça se peut que vous entendiez des petits bruits bizarres. Oh. Ok, bon, on va continuer le podcast. On va faire encore des nouvelles. Écoute, moi j'ai vu par rapport à la Wii U. Moi, la console, ces temps-ci, selon moi, ils nous ont menti un petit peu par rapport aux forces de la console. Ça a l'air, selon certains développeurs de jeux, que la console est pas aussi puissante que ce qu'ils nous ont annoncé. Est-ce que t'es vraiment étonné? Pas en tout. Je suis pas étonné. Mais sérieusement, tu regardes Nintendo, à part dans toute leur histoire, mis à part la 64 qui était un peu plus forte, mais qui avait pas de mémoire pantoute dans leur cartouche. Puis la Super Nintendo qui était vraiment supérieure à la Sega Genesis, elle a jamais été aussi puissante tout le temps. Non, c'est Alors, ça. ça, je suis pas étonné. Nintendo, c'est super. Faut dire Nintendo, il embarque dans la craque entre les hardcore gamers puis les casual gamers. Ouais. Mis en belle parenthèse, mais il essaye honnêtement, je fais partie des sceptiques parce que la Wii, c'était bien le fun, mais combien de gens qui ont arrêté de jouer avec après 3 semaines? Pas mal. Puis moi, je t'avoue, le pire, c'est que je recommence à jouer un petit peu cette année-ci. À la Wii. C'est pour mon fameux défi que je vais vous envoyer ça. Et je vais vous en parler à la fin du show. Mais c'est ça, c'est que j'y retouche un peu. J'ai pour avoir du fun, finalement, de même, je joue à Mario avec Marilyn ou je joue au baseball. Puis c'est juste pour ça. Sinon, j'embarque pas réellement dans une game qui dure longtemps. C'est ça, je pense que c'est pas ce que nous, en tant que gamers, Ouais. on recherche. Puis je pense que la gimmick s'est essoufflée bien assez vite. S'il y aurait eu le Wii Plus dès le départ, d'intégrer ma manette, ça aurait probablement aidé. Effectivement, parce que j'ai joué à j'ai fait la critique de Zelda Skyward Sword. Puis si la manette aurait été même depuis le début, là, ça aurait été toute une autre console. Parce Mais. que moi, je commence, tu sais, je n'ai pas, mais tu sais, de ce que j'ai pu essayer, c'est zigonner à la net, là, t'as de l'air louche en sacrement des fois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là. Ouais. Je sais pas. Alors, écoute, moi j'étais un petit peu tanné aussi, mais là, je recommence tranquillement. J'ai acheté quelques jeux de PS3 puis de 360, puis on va se réembarquer prochainement dans des bons jeux, là. Ouais, non, c'est au pire. C'est ça. Quand tu auras ton nouvel appartement, je t'apporterai ma Kinect, sinon pas Ok, déjà. oui. Mais je vais pas même arranger mon AWM parce qu'il y a une couple de jeux que j'aimerais savoir. Ah, Alors. okay. C'est ça. Et avant de vous quitter pour la pause, je vous laisse tout simplement vous parler de mon défi. Alors, ceux qui sont sur le forum le savent déjà. Je me suis lancé un propre défi. Je me suis dit, je vais me mettre en forme. Et je vais essayer d'être en forme avec la console Wii. C'est quelque chose qui est assez difficile. Oui. Alors, le jeu Just Dance 2 et Just Dance 3 possèdent des fonctions qui s'appellent Just Sweat. Qui est un compteur de 6000 calories, finalement, qui est un mauvais calcul. Wouh! Ça a l'air que Marilyn, ça marche. Bon, on va revoir ça tantôt. C'est ça, c'est qu'il calcule les calories que tu as perdues durant le nombre de temps que tu joues, et selon le défi, ça a l'air que tu peux maigrir. Ça va. Ça a l'air. Fait que je me suis lancé un défi. Je vais le faire. Alors, à partir depuis hier, le 2 avril 2012, et jusqu'au 2 mai 2012, je vais faire le plus haut stat de Just Dance qui demande. Comment dire ça? C'est que vous avez un défi que vous pouvez faire par semaine de dire, OK, je veux perdre tant de sweat points par semaine. Et c'est ce que je vais faire. Et je vais pas juste le faire dans le 2, je vais le faire dans le 3, puis je vais essayer de trouver d'autres jeux également. J'ai vu qu'il y avait un jeu d'entraînement UFC. Je vais essayer peut-être de l'avoir. Ou le Zumba, whatever. Et on va voir si j'en perds 15 livres. Je demande à pa Là, en ce moment, je pèse 215 livres et je rêve de peser 200 livres d'ici à fin début mai. Mon Dieu, t'es un poplume, toi? Hey, écoute, moi, je suis tout petit comparé à toi aussi, hein. Ah, c'est sûr. T'es plus grand que moi déjà en partant. Fait que. Ouais. Alors, non, c'est mon défi, je me suis lancé. Alors, si jamais vous voulez m'encourager, tout simplement m'écrire un message en dessous du podcast ou bien tout simplement dans le forum. Écrivez-moi un petit message, dire, ah ouais, Dan, continue. Puis moi, je vais continuer à chaque semaine, je vais vous poster des vlogs, parlant un peu de comment ça va, puis voir si ça marche réellement. Parce que sérieusement, je m'y mets à fond, là. Là, j'ai coupé pas mal dans la bouffe, j'ai coupé dans les boissons sucrées, le coke, tout ça. Là, je suis rendu à l'eau. Fait que c'est Bon. vraiment un gros changement qui se passe en ce moment, là. Fait que, ben, encouragez-moi, puis redonnez-moi-en des nouvelles sur la vidéo ajoutée sur le podcast, si jamais ça vous intéresse d'avoir mes expériences. Je vais toutes vous répondre. Toute la gang que vous allez m'écrire, je vais sûrement vous répondre, ça c'est sûr et assuré. Alors là-dessus, on va partir pour une petite pause, le temps d'aller chercher de l'eau pour ma gorge irritée. Et C'est bon. entre-temps, je vais laisser nos auditeurs sur une chanson que toi, tu dois particulièrement aimer, Okay. qui est de Mika Kitty, et ça s'appelle Star Trek Girl. Ah oui, je connais, oui, très Alors, bon. on s'en va dans la pause et on revient dans quelques minutes. C'est bon. Blast. Up in the stars, travel. I'll be your Captain Kirk, you're Jean-Luc Picard. We can travel warp speed on through the stars. We can fly to Romulus and there I'll ask if you'd like to see the world through Geordi's glasses. Speak Klingon when I talk to you, and we can live long and we can prosper too. You got a TOS, you might need it, but there's no need to call, just beam me up. You know that I want you, you know I do. I'll be your Star Trek, oh, I'll be your Star Trek girl. We'll go where no one's gone before. I'll be your Star Trek, be your Star Trek girl. I'll be your Star Trek, oh, I'll be your Star Trek girl. I'll be your Star Trek, be your Star Trek girl. I'll be your Star Trek, oh, I'll be your Star Trek girl. I'll be your Star Trek, be your Star Trek girl. Tessera Enterprise, beam me up. 3, 2. Hey Zachary, on est de retour avec JP et Marilyn. Salut. Allô. Alors là, cette fois-ci, tu voulais nous parler de ta nouvelle bébelle que tu as achetée récemment. Nouvelle bébelle, en effet. Alors, je te laisse en discuter. Je suis maintenant propriétaire d'une tablette, les amis. Moi, personnellement, je m'en suis toujours cherché une parce que j'ai plus de laptop. J'ai changé contre un desktop. Et quand quelqu'un qui fait, c'est arrivé, ben, je me suis rendu compte qu'avoir quelque chose de portable, c'est très pratique. Effectivement. Moi, au départ, je suis plus un fan d'Android pour des raisons du fait que, surtout, j'utilise beaucoup le service de Google. J'ai regardé une tablette Android, puis, ben, moi, je suis cheap. Fait que la plupart tombaient de 300$. Et plus pour avoir quelque chose de vraie qualité. Donc, j'ai regardé vers la BlackBerry Playbook. OK. Donc, plusieurs, justement, ont levé le nez un peu dessus. Je dois avouer qu'au départ, quand il est sorti, il y a une couple de mois, il n'était pas tout à fait prêt. L'OS 1.0, il y avait vraiment des lacunes. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer, peut-être heureusement. Moi, quand j'ai eu ma tablette, je l'ai eu directement avec l'OS 2.0. Qui supportait les courriels, les calendriers, sans avoir besoin d'un BlackBerry téléphone pour supporter tout ça. Donc, j'ai été me chercher ça pour 200$. On s'entend, au départ, quand c'est sorti, ça valait 400-500$ facile. Quand tu dis tu peux l'avoir à 200, c'est un très bon prix pour une tablette. C'est une tablette, c'est pour, donc c'est à peu près le 2/3, peut-être la moitié d'un iPad. Donc, moi, je m'en sers ça. Moi, j'en sers pas pour les jeux. Donc, l'argument que la plupart des gens vont me lancer du fait qu'il n'y a pas énormément d'applications dessus ne m'affecte pas énormément du fait que j'ai déjà un téléphone Android, j'ai une Xbox, j'ai un PC, j'ai un masse de patentes pour jouer. J'ai pas besoin. Tu sais, oui, c'est sûr, j'ai quelques jeux qui viennent avec. Mais c'est pas l'outil, c'est pas vraiment... C'est pas fait pour ça. C'est ça. Ben, ça peut être fait pour ça, mais moi, l'usage qui devrait être en fait n'est pas vraiment pour les games. Donc, moi, c'est sûr que, bon, j'ai réussi à configurer les courriels sans problème. Ça supporte Hotmail, Gmail, tout ce que vous voulez, ça le supporte numéro 1. Okay. Ça va même chercher des calendriers de Gmail sans problème. Ça va intégrer les contacts Facebook, Twitter, directement dès que tu mets tes comptes dans la tablette. Tes messages privés Facebook et Twitter vont tout s'intégrer dans ton logiciel de courriel. Oh. Même affaire pour les événements Facebook vont s'intégrer au calendrier. Donc, très belle intégration au niveau de tout ce qui est social. Ce qui m'étonne un peu de RIM parce que c'est pas à ce à quoi on pourrait s'attendre vraiment de leur part. Mais c'est vraiment très bien joué de leur côté. Je crois que vraiment la force de la tablette, c'est vraiment le browser internet qui est quasiment équivalent à n'importe quoi sur un desktop. Pour ceux qui se connaissent un peu plus en HTML, il y a ce qu'on appelle le acid test. Okay. Qui va vraiment tester les fonctionnalités du browser. Voir s'il va tout bien gérer le code, tout ça. Et la tablette le gère à 100%. Juste pour te dire, tu sais, la plupart des browsers le font aussi à 100% sur des desktops. Mais quand tu vas sur mobile, ça commence à en arracher un peu. Fait que c'est vraiment ce que tu peux le plus avoir de proche d'un desktop browser. Sur une tablette finalement. Sur une tablette. Moi je peux aller sans problème sur le site du Geekfest, aller dans l'interface de WordPress, rentrer un article, aller chercher des photos. Ça gère numéro 1 le code, ça va chercher Java, Flash. Flash, on s'entend que c'est pas. C'est qui est un pas géré par tout sur les autres tablettes, là. Surtout l'iPad, là. Sur l'iPad. Au niveau d'Android, ça gère, mais ça branle la patte un peu. Là-dessus, tu peux aller sur des sites faits en Flash complet, puis ça va numéro 1, tu t'en rends même pas compte, c'est du Flash, ça bug pas. Je pense que c'est vraiment sa force. Donc moi, je suis vraiment résonné au niveau, vraiment. Et ce qui est, moi, une autre raison pour laquelle j'ai été chercher, c'est que il y a une sortie HDMI là-dessus, une sortie micro HDMI. Donc, tu peux brancher ça un projecteur, un écran. Montrer les photos de famille, tu peux... C'est ça. Et il y a ce que tu appelles un presenter mode. C'est-à-dire que, admettons, je vais chercher un document PowerPoint. Mm-hmm. Je vais lancer la présentation. Je vais lancer le presenter mode. Donc, sur l'écran, je vais avoir la présentation. Et sur ma tablette, je vais avoir l'interface que je peux aller chercher mes notes ou switcher de slide rapidement. Mm-hmm. Je peux aller chercher mes courriels. Le monde va juste voir la slide. Okay. Que, c'est vraiment génial pour ça. Justement, moi qui fais énormément de conventions, ben, c'est toujours bien pratique pour ça. Tu as le même mode un peu pour les vidéos. Fait que, maintenant, tu lances une vidéo, tu mets le presenter mode. Mais pendant ce temps-là, pendant que la vidéo joue, que tu peux aller ailleurs dans ta tablette, t'sais. Ah ben c'est bien ça. Je suis sérieux, ça doit être une très bonne tablette. 200$ la Playbook, c'est bien ça? 200$ la PSG, ça remonte, c'est 250-300 pour les 16 et 32-64 GB. Selon toi, la 16 GB, est-ce que c'est bon pour une personne en général? Oui, c'est ça. Numéro 1. Moi, je m'en sers surtout ces temps-ci pour les podcasts. C'est vraiment ce qui m'a impressionné encore plus. On rentre un lien. Premièrement, il y a une application out of the box direct là-dedans. Okay. Direct dans Playbook pour aller chercher les podcasts. Tu as déjà un bon répertoire. Mm-hmm. Parce que tu peux juste aller mettre un lien RSS, puis ça va s'ajouter, puis ça va se downloader dans ta tablette automatiquement. C'est vraiment très bien désigné, très bien fait. Fait que moi, je suis vraiment. C'est mon usage principal ces temps-ci. On va essayer de regarder pour le publier le podcast des accros sur BlackBerry, mais j'ai essayé de trouver le... Ben, c'est pas vraiment BlackBerry, comme je te dis, c'est vraiment tu vas... je sais pas pour l'espèce de store... Mais j'en ai... J'ai un BlackBerry téléphone, là, un Torch, puis moi je vois que j'ai l'application podcast, mais aller le chercher, sérieusement, c'est le bordel. C'est le bordel d'essayer de trouver ça. Sur la tablette, c'est vraiment très bien fait. Okay. Mais, l'OS de téléphone et de la tablette vont se rejoindre apparemment dans BlackBerry 10. On va voir ce que ça donne. D'accord. Pour l'instant, c'est très bien comme tablette. Marie-Claude, elle est rendue avec une nouvelle petite bébelle. Elle va peut-être vouloir nous en parler. Ta nouvelle imprimante. On n'en parle pas d'imprimante. Et Marilyn, as-tu utilisé une nouvelle imprimante? Comme pas eu le choix, mettons. Elle n'a pas eu ben le choix, mais elle va nous en parler un peu qu'est-ce qu'elle pense de sa nouvelle imprimante. Personnellement, je l'aime bien. Je ne l'ai pas payé cher. Faut pas s'attendre à quelque chose de super high-tech, super sophistiqué. Par contre, ce que j'aime, c'est que dedans, j'ai mon scan intégré. Je vais vous parler en passant le nom de l'imprimante. C'est la HP Desktop DeskJet 3050A. Puis ce que j'aime bien, c'est que j'ai pas à aller avoir un logiciel de scan. Il peut directement aller du scan jusqu'à l'imprimante. Ah. Donc c'est vraiment cool. Ouais. Puis la qualité de l'image est comment quand tu imprimes une photo ou quoi que ce soit? J'ai pas imprimé de photo encore. Par contre, pour ce qui est du document, j'ai rien à redire. Ça sort en 3 secondes et quart, puis super qualité. On va faire un petit essai prochainement avec des photos. On va essayer ça. Oui. Puis tu vas pouvoir nous en parler pour le prochain podcast. Ce serait bien. Parce que sérieusement, il faut regarder pour acheter son imprimante parce qu'il y a tellement de choix. Puis de... Ben déjà, t'as deux gros choix dès le départ. Imprimante laser ou imprimante à jet d'encre. Ouais. Moi, c'est drôle, c'est que justement, je viens du domaine de l'imprimerie. C'était mon domaine dans mon ancienne vie. Ouais. Justement, je travaillais surtout avec des imprimantes laser. C'est tellement fantastique. Quand tu fais juste du document noir et blanc, tu vas te chercher une petite imprimante noir et blanc. Puis c'est magique, ça fonctionne. T'as quasiment jamais besoin de changer la cartouche si tu fais une utilisation plus ou moins raisonnable. Mm-hmm. Tant que moi, je travaille souvent en imprimerie, fait que la cartouche, on en changeait relativement souvent, mais pour un usage normal d'un étudiant ou n'importe qui d'autre, la cartouche de toner, là, t'aurais quasiment jamais besoin de la changer. OK. C'est juste que quand t'as besoin de la changer, elle va te coûter quand même relativement cher, mais elle va te durer longtemps. Au moins, c'est comparativement aux imprimantes à jet d'encre où il faut que tu le changes au 6 mois à peu près, puis que tu es obligé de... Parce que l'encre va sécher en dedans. Aussi, puis... oui. Malheureusement, oui. Toi, tu es en train de lire Hunger Games, hein? Tu n'as pas réussi à le finir encore, hein? Non, mais je suis pas capable de m'arrêter de le lire quand j'ai le temps, par exemple. Vraiment, là, je m'attendais à rien. Tout le monde disait « Ah, oh, c'est super bon, c'est super bon, c'est super bon. » Je vais être franche avec vous autres, je suis pas du type Twilight, mais vraiment pas. Ah, surtout qu'on y a acheté un chandail de When Buffy Stalks Edward, the end. Pas du tout. Puis, pour être franche, je vais arrêter à moitié du deuxième livre de Twilight parce que je m'endormais trop et je trouvais qu'il n'y avait rien qui avançait. Puis j'ai arrêté la série là. Là, jusqu'à maintenant, avec Hunger Games, je peux passer peut-être une heure et demie par soir à lire. Puis je ne pourrais pas le temps passer. J'adore ça. C'est complètement deux univers complètement différents. On s'entend là-dessus. Là. C'est peut-être ça qui me fait plus l'aimer aussi. Mais vraiment, je le recommande à tout le monde. Je pense que la grosse version, le roman, j'ai payé quoi? 25? À peu près 25-26 chez Walmart. Puis c'est vraiment, vraiment super. Là. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte d'aller voir le film. Il faut que je fasse le livre avant parce que je ne vais pas avoir de punch volé. Là. Toi, JP, qu'est-ce que tu en penses de cette série-là? Moi, je trouve que ça ressemble un petit peu à Running Man. Là. Moi, j'ai pas vu ni un ni l'autre, mais heureusement, Running Man manque. Ah non! Toi qui es amateur de science-fiction en plus. Ah, mais j'ai vu Logan's Run, par exemple, mais ça, c'est une autre affaire. Mais non, j'ai entendu des bonnes choses. Ça a l'air. Ben, peut-être que Marilyn pourrait confirmer si c'est pas. Comment dire. J'aime bien l'univers un peu relativement post-apocalyptique, un peu, fait que ça gère bien pour ça. En fait, le monde comparait beaucoup ça à Battle Royale. Mm-hmm. Je sais pas si toi, t'as vu ce film-là? Moi, je l'ai vu, mais je pense pas que Marilyn l'a vu. Ah. Ben, c'est vraiment comme un gros reality show avec la mort. Ouais. Fait que moi, c'est rien que j'ai jamais vu au niveau des thèmes. Mm-hmm. Fait que moi, c'est le fun de voir des bons trucs de littérature qui sont adaptés, surtout quand l'auteur original est intégré là-dedans, c'est encore mieux. Là, fait que... Mm-hmm. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, j'ai pas encore vu, mais j'ai une bonne vibe. Je sais pas si t'es un grand lecteur. Est-ce que t'es en train de lire quelque chose en ce moment à part de... Non, pas pour l'instant. J'ai un livre qui attend, qu'il faudrait que je lise. C'est le troisième de la série WWW. C'est écrit par un auteur canadien qui s'appelle... c'est une série de livres à propos... Robert, sorry, c'est le nom de l'auteur. Excusez-moi, c'est lui qui avait écrit la série Flash Forward. OK. C'est une série de livres à propos d'une espèce de conscience qui se réveille sur Internet. Et c'est vraiment très bien fait au niveau... Il utilise vraiment l'Internet de nos jours. Mm-hmm. Puis ça paraît qu'il a fait ses recherches. Moi, en tant que gars qui est en informatique, ça fait quasiment presque du sens. Puis c'est vraiment... Il utilise des bons termes aux bonnes places. C'est vraiment génial. Il faut juste que je me force un peu. Parce que maintenant, je suis plus proche de ma job. Fait que j'ai plus autant de temps dans l'autobus. Non, c'est un fait. Moi, je suis en ce moment, je suis en train de finir le dernier roman du Donjon de Nalbuk. Ah! La Tour de Swak. Non, le conseil de Swak, qui est vraiment drôle. Je ris à tour de bras. Et lorsque je suis à la buanderie, ben le monde me regarde croche encore parce que je ris à la gorge déployée. Parce que sérieusement, ce que j'ai aimé du roman, si vous avez pas, si vous connaissez un petit peu l'histoire du donjon de Nalbuk puis tout ça, c'est vraiment ils font des références à première saison, à deuxième saison, au premier roman, deuxième roman. C'est vraiment cool. L'auteur là, John Lang, il est vraiment bon. Il touche à tout. Il connaît son stock finalement là. Ah. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool. Puis j'y ris. C'est comme ça se peut pas, là. Puis Marilyn, elle a une autre chose à nous présenter également. Elle a un manga à nous parler. Oui, c'est rare que je parle de manga puis que j'en lis, mais celui-là, là, c'est Last Quarter de Ai Yazawa. Puis j'ai adoré l'histoire de ça. Moi, je suis une fille pas science-fiction, mais plus dans le fantastique. Fantastique, OK. Dans le fantastique. Puis ça, franchement, là, j'ai trouvé l'histoire. Tu sais, c'est une histoire qui est complexe, mais qui est le fun à suivre en même temps. On a hâte de suivre les autres tomes, en tout cas pour ma part, là. C'est quoi le résumé de l'histoire un peu, Marie? Ben, dans le fond, on est dans la peau de deux personnages. OK. Au départ, d'un personnage, une ado, qui se retrouve... il y a un événement qui se passe dans sa vie qui fait en sorte qu'elle décède. Mm-hmm. Puis, aux portes du paradis, elle rencontre une petite fille. Elle va l'aider à survivre, entre guillemets. Puis, leurs chemins vont se croiser, mais dans deux mondes différents, dans le fond. La petite fille va pouvoir la voir comme... comme fantôme. Elle va comme fantôme, carrément. Puis, après ça, ben elle puis sa gang d'amis, cette petite fille-là, ben va essayer de faire en sorte qu'elle passe de l'autre côté. Puis, en tout cas, c'est spirituel, mais c'est vraiment bien en même temps. Je trouvais ça le fun. C'est complexe comme histoire aussi un peu, mais c'est le fun. C'est le fun à savoir parce qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts qui parlent de manga au Québec. Fait que on t'a gardé une petite section rapide pour que tu puisses nous en parler. Dernier manga que j'ai lu, moi, c'est Legend of Zelda, puis je vous le conseille pas en tout, là. Ouf! Ah! Mettons que, tu sais, le monde juge qu'il faut pas faire parler le héros principal, Link, qui veut juste dire, puis ils ont vraiment raison. Il faut pas le faire parler, parce que là, il parle tout le temps. C'est épais qu'un chat de... mettons que les vlogs que Marie écoute sur la beauté, là. Et je vais manger une volée dans pas long! Aïe! Et oui, je viens me faire claquer en live pour vous, les accros. Mais non, ça parle, ça n'a pas de bon sens. C'est plus Legend of Zelda, c'est rendu la légende de la madame qui parle au téléphone. Hein. Ça ne parle que ça. En tout cas, de mon avis, là, c'était une petite pause rapide de manga. On pourrait finir ça en parlant des choses qu'on a écoutées dernièrement. Ouais. Qu'est-ce que tu as écouté récemment, toi, en film ou en série télé, JP? Moi, j'ai commencé à dévorer une couple d'affaires. Apparemment, un film, j'ai regardé un film qui s'appelle In Time. OK. C'est avec un film. Justin Timberlake, je pense. Exactement. Je m'aurais jamais attendu à aimer un film avec Justin Timberlake. Mais c'est un. L'idée bonne, c'est l'exécution est. Moi, je suis genre à plus aimer l'idée d'un film que le film lui-même. Mm-hmm. Où ce que le monde vit jusqu'à 25 ans, et quand tu prends 25 ans, ton corps arrête de vieillir, et là, t'as une espèce de minuterie qui s'active dans ton corps, et tu peux ajouter ou retirer du temps à volonté, puis quand ton compteur tombe à zéro, ben tu meurs. Fait ce qui arrive, c'est que le monde peut vivre éternellement, ben c'est juste... C'est que le temps est devenu un peu une ressource monétaire. OK. Donc, ça a remplacé l'argent. Donc, tu payes ton café 4 minutes. Tu travailles une journée, tu reçois, je sais pas, moi, une semaine. Je sais pas trop. Mais c'est vraiment un film. Tu vois, c'est vraiment à propos là, de la guerre de classe. Là, en pouvoir aussi, récence. C'est ça. Parce que tu as du monde qui ont 1000 ans. Facile à leur compteur. Fait que ce monde-là, s'ils dépensent pas trop, ben, ils peuvent vivre super longtemps. Vite à être en âme, là. C'est ça. Fait que c'est vraiment une grosse métaphore pour l'argent. Puis je pense que c'est un peu ce que la science-fiction c'est supposé être. C'est supposé être une métaphore pour la réalité. Fait que, comme je dis, ça vient le film d'action ben assez rapidement. Mais comme je dis, moi, je suis plus du genre à aimer l'idée que le film en tant que tel. Fait que j'ai vraiment été satisfait pour ça. Sinon, ben, j'ai regardé une série qui s'appelle, un peu niaiseux, qui s'appelle Archer. Ok, ça me dit rien. C'est une espèce de... C'est une histoire d'un agent secret qui travaille dans une agence. Sa mère, c'est la directrice de l'agence. C'est vraiment très flyé. C'est une série animée. Okay. Beaucoup de voix qui viennent d'Arrested Development. Fait que ceux qui ont aimé la série vont reconnaître la voix de la mère dans Arrested Development. Vont reconnaître la voix de la mère dans Archer. C'est vraiment... C'est de l'humour South Park un peu. Okay. Moins le message social. C'est vraiment niaiseux pour être niaiseux. Mais moi, j'aime bien ça. Ben, nous autres, de notre part, moi, de mon bord, pour ce qui est de la série, Marie l'a pas écouté, mais j'ai écouté Temps mort. Je suis tapé ça en une journée. OK. Et maudit que c'est bon. Sérieusement, moi, j'ai eu le temps de regarder la première saison puis un petit peu de la deuxième, là. Mais non, je sais qu'ils ont sorti la troisième la semaine dernière, je pense. Ils ont sorti le deuxième épisode aujourd'hui. Ah. Aujourd'hui ou hier. Puis, sérieusement, j'ai accroché, j'ai vraiment tapé ça à la suite de l'autre, là. Puis, j'ai vraiment trouvé ça bon. Puis, j'ai bien hâte de voir comment la troisième saison va s'en venir. Sinon, Marie-Lune, elle est à fond dans les rescapés. Ouais. La série sur Radio-Canada. Ouais, non, j'ai entendu parler, ouais. C'est très bon, ça se passe, dans le fond, c'est des voyages dans le temps. Okay. Ça commence la première année avec une famille de 1963 qui se ramasse en 2010 okay. par une porte temporelle sans leur vouloir. Puis tout ce qu'ils ouais. veulent, c'est retourner dans cette année-là. Mm. Fait qu'on voit les changes, comment la famille s'intègre à 2010. Moi, j'ai entendu parler de la fameuse scène où elle rentre dans un magasin puis il y a la porte qui s'ouvre tout seul puis elle est comme... ouais, ça ou le micro-ondes aussi, c'est très très drôle. Elle se rend compte qu'elle n'est plus obligée de prendre un four pour faire réchauffer sa lasagne. Hey, c'est hot, là. Ouais, mais ça, pour retourner en 1963, ben, dans le fond, il découvre plein d'affaires. Dans la deuxième saison en particulier, c'est très, très bon là-dessus. Ça vient dark, sérieusement, dans la deuxième saison. Ouais. Là. Ça vient, je te dis, c'est des complots, puis des affaires, des complots dignes de Da Vinci, quasiment, là. Oh wow, ok. C'est vraiment bon, là. Ah, c'est bon, sérieusement. Là, je m'attendais pas à grand-chose. Je m'attendais plus à une comédie plus que d'autres choses. Mais plus que ça avance, plus que ça devient vraiment sérieux comme histoire. Là. Et une chose que je capote, j'aurais jamais dit ça avant, mais Roy Dupuis dans un rôle, wow, dans le rôle de Gérard Boivin, là, débile ouais. mental. Mmh. Vraiment bon. Sinon, à part ça, nous autres, on a écouté un film. Puis je pense pas que tu l'as déjà écouté. Mais c'est un drame, ok? On s'entend, c'est pas ton genre, ouais. c'est pas ta tasse de thé. Mais c'est un petit film qui m'a réussi à me faire arracher des larmes. Oh mon dieu! C'est... Ok, vas-y. C'est quoi? Plutôt rare. Ça s'appelle Hachi. Hachi, okay. A Dog Tale. C'est, okay. C'est l'histoire vraie. C'est un homme qui a élevé un bébé chien qu'il a trouvé dans une gare. Puis okay. le chien est vraiment devenu fidèle à lui. Il ne répondait qu'à lui. Il faisait tout ce que le gars il disait. Puis, il avait toujours l'habitude d'emmener son chien à la station de train avant qu'il aille travailler. Puis, son chien, il l'attendait jusqu'à temps qu'il revienne de travailler. Puis, un jour, ce gars-là, il meurt. À son travail, ouais. À son travail. Puis, le chien, il a fait... Tu sais, même s'il est entouré de la famille du monsieur, tout ça. Non, il a resté là. Il a resté à la même place pendant 10 ans. Il a attendu son maître. Oh... Non, mais cute! C'est vraiment le monde, ok, le monde autour de ce chien-là. Il nourrissait, il soignait, puis il s'en occupait, mais c'est vraiment, c'est loyal, là. C'est une histoire de loyauté, puis d'amitié. Sérieusement, écoutez-le, il est sur Netflix, puis j'ai capoté. Sérieusement, là, un excellent film, c'était avec Richard Gere. Puis non, sérieusement, là, très bon film, j'ai bien aimé ça. Hmm. J'ai vu mon chum pleurer. On redit pas ça. J'ai vu votre chat pleurer! Bon, ça y est, ça va dire, ça va niaiser sur le forum. Non, non, non, c'est juste qu'il y a ça montre que t'es sentimental des fois, c'est correct. Ouais, mais ah oui, c'est ça. Ouais. Sinon, à part ça, côté série télé, ben, on a commencé à écouter Buffy. Marilyn, on a commencé à écouter Buffy. Recommencer ou commencer? Commencer. Elle a commencé, moi je l'ai recommencé. Ok. Tes impressions, Marie, pour une fille qui a jamais écouté Buffy? C'est sûr que ça replonge dans les années 1990 à fond. Ok, oui. Parce que j'ai été de l'époque que j'ai écouté Le Loup-garou du campus. Ah, c'est un petit peu après. Ben, peut-être, ouais, dans la même époque, mais juste un petit peu après. Un petit peu après, ouais, pas longtemps. Mettons, au milieu de la série, ouais. Mettons, là. Puis, j'ai vraiment fait, ok, ça ressemble à le même genre de scénario. Sauf que c'est sûr que c'est pas un loup-garou qui affronte les méchants, mais c'est une vampire qui... Non, c'est pas une vampire. C'est une chasseuse de vampires. Excusez, qui chasse des vampires. Mais j'aurais aimé ça l'avoir tué, Edouard, pour vrai. Ça a été drôle en tabarnouche. Ben, en tout cas, le monde, il se laisse pas mal aller dans leur imagination sur Facebook. Et sur YouTube aussi, j'en ai vu un bon vidéo sur Buffy vs. Edward Cullen. La dernière vidéo que j'ai vue, ben, la dernière photo que j'ai vue, c'est Blade Finally Arrive. Ouais, ça fait. Puis tu vois vraiment Edward qui part en courant, là. C'est comme. C'est drôle, sinon, ben, moi j'ai revu. En fait, j'ai pu voir. Ben, moi j'ai pas de Blu-ray, mais j'ai pu voir Star Trek Next Generation en qualité HD. Ok. Vraie qualité HD. Ils ont sorti, je pense il y a peut-être un mois, un simple pack avec quelques épisodes pour montrer de quoi ça va avoir de l'air en HD quand on va sortir les coffrets de saison. Ok. Et je peux vous dire que c'est vraiment impressionnant. Ah oui? On s'attend pas à grand-chose, mais ils ont été chercher des pellicules originales et ils ont pas juste fait un transfert direct, ils ont nettoyé, ils ont vraiment... C'est rare de dire ça, mais ça paraît vraiment. Ah oui, t'as moins... la qualité est meilleure, il n'y a pas de grain dans le match. Il n'y a vraiment pas de grain. C'est vraiment impeccable. Ils ont pas refait les effets spéciaux. Ce qu'ils ont refait, c'est qu'ils ont refait le compositing. Mettons où t'avais un effet spécial qui était intégré, ben ils l'ont intégré digitalement. Okay. Donc c'est un petit peu plus clean. Même affaire, mettons, quand il y avait quelqu'un à l'écran principal, normalement ça c'est un gros green screen, mais ils ont refait le compositing parce qu'il y avait le film original où il y avait le green screen, puis tu avais le film original de l'acteur qui était supposé être sur l'écran. Fait qu'ils ont fait la synthèse de manière digitale. Donc, c'est beaucoup plus clean. Sérieusement, ils ont gardé l'aspect 4-3. Oui. Donc, c'est pas widescreen, mais encore, c'est vraiment dans l'esprit de garder la série originale. Oui, c'est ça. Ben, ça t'as-tu déçu, toi, de ne pas voir ça sur une télé HD, non? Ben non, ben moi j'ai regardé sur ma 40 pouces. Okay. C'était vraiment juste avec deux barres sur le côté. Là, c'est pas la fin du monde. Puis en même temps, ben j'ai compris parce que souvent, quand c'est cadré d'une manière, c'est vraiment pour donner un feeling. Mm-hmm. Puis des fois, quand il arrive, tu vas montrer ce qui n'était pas montré avant, ben ça peut tout défaire une scène, un petit peu la dramatique de ce que le réalisateur voulait dans son cadrage. Fait que... D'accord. Nous autres, on va bientôt se quitter, mais avant tout, on va parler des films qu'on va écouter prochainement. Alors, au cinéma, il y a deux films qui m'intéressent pour le prochain mois. Mm-hmm. Vendredi, c'est le nouveau American Pie. Ah, oh, déjà? Déjà. J'ai extrêmement hâte d'aller le voir parce que la plupart, ben, à part les versions DVD qui ont sorti direct, là, que j'ai vraiment pas voulu écouter, je les ai toutes vues au cinéma. Puis celui-là, c'est... Parce que les jokes que j'ai vus dans les nouvelles m'intéressaient beaucoup. Bon. Et l'autre qui sort, ben, le 4 mai, c'est les fameux films des Avengers. Avengers. T'as manqué un film? Lequel? Le 3 mai. Je vais faire une petite plug rapide, mais le 3 mai, il y a Endgame, le movie. Ah oui, qui va être présenté dans 3 cinémas. Pour aller voir sur le site d'Endgame. C'est dans le cadre de Hot Docs, qui est un festival de documentaires à Toronto. Ben, ils vont avoir une présentation simultanée dans plusieurs cinémas au Canada. Okay. Donc, si vous voulez voir justement ceux qui attendent Fez avec impatience, après avoir joué un peu à ça, vous pourrez voir toute la difficulté qu'ils ont eu à pouvoir faire ce jeu-là. OK. Non, c'est ça. Fait que non, sinon, ben, c'est ça. Fait que ça fait deux films en ligne pour toi, mon cher. Oui, ben, surtout que ces derniers temps, on n'a pas eu la chance d'aller surtout au cinéma. La dernière fois qu'on a voulu y aller, c'était à Relâche. Oui. Et my God, quelle très mauvaise idée. Finalement, on s'est ramassé chez Mangotel et des mangas parce que, sérieusement, ça faisait pitié. Mais écoutez, si je sais pas si toi, tu as d'autres films ou si également tu vas aller voir. Moi, c'est pas mal un petit peu plus tard. C'est Prometheus. Ouais. L'anti-épisode à Aliens. Ouais. Ah, puis Marilyn, elle aussi, elle a d'autres films qu'elle veut voir. Et ça va surprendre personne. Hunger Games. Mais les critiques que j'ai vues, ça donne des 8.5, des 9 sur 10. Ceux que je vois d'habitude, c'est 3.5 sur 3 étoiles et demi sur 5, à l'entour de 4. Là, c'est quand même bon. Donc, c'est apparemment que c'est très très partagé parce que t'as les personnes plus jeunes de notre époque que nous autres qui font ah, c'est bon, c'est bon. Puis il y a l'autre génération plus âgée que nous qui font comme c'est quoi ça des jeunes qui s'entretuent? Ouais. Ben. Donc. Ils ont pas écouté Harry Potter encore? Ouais, mais c'est différent avec des spells. Non, je sais bien, mais pareil. Là. En tout cas, mon avis. Là. Ouais. Mais, puis, c'est ça, toi, t'avais-tu d'autres choses aussi que tu voulais écouter, JP? Non, c'est pas mal. On va être tranquille ce côté cinéma. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, on va vous donner des nouvelles. C'est sûr que moi, le film des Avengers, le 4 mai, c'est sûr que je m'en vais là. Entre-temps, il faut que je m'arrange pour faire écouter Captain America, Mary. Ouais, ça a de l'air. C'est celui qui te manque avant les Avengers, on s'entend. Sinon, il y a d'autres films qui vont sortir prochainement. On va s'arranger de faire un podcast d'ici le mois de mai. On va essayer. on va voir si t'es pas trop occupé. Mais entre-temps, merci beaucoup, la gang. C'était vraiment cool de faire un podcast avec vous autres. Un plaisir. Fait que, on se reprend pour un prochain podcast. Laissez-nous vos commentaires sur la page des accros. Abonnez-vous au podcast directement sur iTunes. Vous pouvez l'avoir également en fil RSS. Dans votre playbook, si vous en avez une nouvelle playbook. Et entre-temps, comment on peut vous rejoindre, JP? Sur Twitter, à JP Cardin. Je réponds généralement quand je peux. Sinon, maintenant, aussi GeekFestMTL sur Twitter ou sur Facebook. Vous pouvez chercher ça. Je suis parmi ceux qui s'occupent de ce compte-là. Et Marilyn, comment on peut te rejoindre? On peut me rejoindre via Facebook, on peut me rejoindre via Twitter, sur Terrien Marie-Ève. Très original. Et sinon, à part de ça, via le forum d'Accro des Jeux, tout simplement, sur ma chaîne YouTube. Et, oui. Et pour moi, pour Accro des Jeux, vous pouvez me rejoindre sur le compte de Twitter des Accro des Jeux à Accro des Jeux. Et également, vous pouvez me rejoindre sur l'email des Accro des Jeux à accrodesjeux@commercial.gmail.com et le forum également que vous pouvez me rejoindre. Je n'accepte pas les invitations Facebook des gens, tout simplement par côté de vie privée. Mais vous pouvez quand même laisser un message sur le forum ou sur iTunes, mais pas iTunes, mais je veux dire sur le forum sur Accro des Jeux. Je vous réponds à peu près tout le temps, tout le monde qui me jase finalement. Alors, c'était le podcast de Big Ben et JP Cardin. Et qui vous dit à la prochaine. Salut! Bye bye! À la prochaine tout le monde!